Mentale. Parce que les énergies de l'âme et votre psychologie animale, elle va être plus grande que votre intelligence et automatiquement vous allez astraliser. Ça, c'est comme une fille qui rencontre un bel Italien. Tu rencontres un bel Italien, s'il est trop beau, tu vas payer le prix. Parce qu'un bel Italien, surtout s'il est sophistiqué, il va t'embarquer tout de suite dans sa gondole. Toi, t'es une petite fille de Chicoutimi, t'es bien cute, t'as 18 ans, t'es faite à l'os. Si t'as pas la chance d'avoir des parents pour te guider dans toute cette expérience-là, tu vas finir avec le bel Italien, mais c'est lui qui va bénéficier de toutes les... de toute ton expérience. Parce que t'as pas les corps. T'es pas capable de dealer avec un bel Italien. Mais ton ego, en tant que petite fille de 18 ans, il aimerait bien ça avoir un bel Italien. Tandis que si t'étais en contact avec eux autres, peut-être qu'ils te feraient rencontrer plutôt un petit Canadien français un petit peu moins beau, qui vient de la Beauce. Mais lui, au moins, il te traiterait comme du monde. Fait que, mais ça, t'es pas intéressé d'avoir un petit Canadien français qui vient de la Beauce. Parce qu'il n'y a pas de glamour là-dedans. Tandis qu'un beau petit Italien, parce qu'il vient de Rome, parce qu'ils viennent tous de Rome, les Italiens. Tu demandes à l'Italien, tu viens d'où? Ah, de Rome, Rome. Hein? Ils viennent jamais des petits villages à côté du Vésuve. Ils viennent de Rome. Fait que... Pour faire comprendre que ce que l'ego veut ou désire, c'est pas nécessairement bon pour lui en tant qu'être parce qu'il n'y a pas les corps pour. Donc la déception entre en jeu. Si tu es capable d'absorber la déception de ne pas accéder à ton petit Italien ou de ne pas pouvoir l'avoir comme tu veux, ton petit Italien, à ce moment-là, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas absorber une certaine énergie, tu vas développer une maturité par rapport à tes émotions, puis éventuellement, mais dans un sens, perfectionnes ta canalisation avec les plans. La déception, c'est l'élément le plus important dans la transmutation de l'ego quand une certaine conscience occupe la vie. La déception, c'est l'élément, un des éléments les plus importants dans la transmutation de l'homme. Pourquoi? Parce que ça va toujours à l'encontre de son désir. Quand ça va à l'encontre de son désir, ça fait quoi? Ça écrit un état de colère intérieur. L'état de colère intérieur lui permet quoi? De développer une volonté. La volonté l'amène à quoi? À se dissocier de tout ce qui est astral chez lui. Ça veut dire quoi? Plus souffrir. Fait que s'il y a de la souffrance dans votre vie, qui n'est pas mentalisé ou mentalisable, cette souffrance-là, elle est astralisable. Fait que ça serait quoi un homme libre? Un homme libre, c'est pas un homme qui souffre pas. C'est un homme qui est capable de mentaliser sa souffrance. Tandis qu'un homme qui n'est pas libre, il n'est pas capable de mentaliser sa souffrance. Donc sa souffrance ne lui sert pas. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'en arriver un jour à développer la volonté nécessaire pour mettre un arrêt à certaines programmations de sa vie. Donc, il n'est pas capable d'être ce qu'on appelle libre, créativement, dans le sens d'engendrer les conditions nécessaires dans sa vie pour se libérer d'une certaine programmation. Ils disent que dans la quand tu es conscient, quand tu as une certaine conscience des plans, il se développe dans la déception une sorte d'agression de l'homme contre les plans. L'homme devient agressé facilement par les plans. Il développe une conscience agressée. Il est agressé par les plans. Il dit, cette agression-là, c'est déjà une prise de conscience. Il faut être conscient des plans pour être agressé par les plans. Si tu n'es pas conscient des plans, tu ne dis pas ça de l'agression par rapport aux plans. Mais si tu es conscient des plans, tu vis une agression, tu sens l'agression par rapport aux plans. C'est le début de la conscience. L'agression par rapport au clan, c'est le début de la conscience. Donc, il dit, si vous êtes agressé par rapport au clan, c'est pas grave. Apprenez à prendre un petit peu de recul, à ne pas vous en faire trop, et apprenez à absorber l'énergie de ça. Si vous faites ça, ou si l'homme fait ça, vous allez développer une écoute intérieure très, très particulière à vous-même. Parce que l'écoute intérieure de l'homme, elle est particulière à l'homme. Il n'y a personne qui a une écoute intérieure comme un autre. Moi, j'ai rencontré cette semaine, dans un restaurant, cette semaine, un type qui est maniaco-dépressif, mais c'est un bonhomme. Puis, il a bien souffert. Prend des pilules, il en prend moins de pilules. Il veut écrire. Son rêve, c'est d'écrire. Il veut écrire. Puis là, je pense que ça fait 2 ans qu'il a son petit. Il y a un genre de petit livre, là. Puis il écrit là-dedans, puis ça écrit, puis ça écrit, puis ça écrit. Puis il est très. La voix intérieure est définitivement là. Il est capable d'entendre la voix qui parle. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que. De temps en temps, je parle. C'est ma façon de l'aider. De temps en temps, je parle quand ça donne qu'on se rencontre comme ça. Puis, faut pas que je parle trop longtemps parce qu'il veut toujours parler avec moi. Fait que je dis, je te donne 5 minutes. 5 minutes. Fait que, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais sur un site? Il dit, bon, ben, là, il dit, je suis en train d'écrire. J'ai dit, comment ça fait de temps que tu es en train d'écrire? Il dit, ça fait 2 ans là, que je suis en train d'écrire. Mais j'ai dit, tu vas-tu le faire, ton Christ de livre? Tu vas-tu le pondre? Tu vas-tu l'asseoir? J'ai dit, as-tu un chapitre? J'ai dit, as-tu un titre? Il dit, j'ai pas de titre encore, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, mais il dit, des fois, c'est de la prose, puis des fois, c'est de la poésie. J'ai dit, décide-toi, c'est-tu de la prose que tu veux écrire ou c'est de la poésie? Mais il dit, ça dépend. Des fois, c'est de la prose qui passe, puis des fois, c'est de la poésie qui passe. Bon, mais j'ai dit, là, m'a parlé, là. Puis j'ai dit, qui c'est qui t'écrit comme ça? Ça vient d'où, cette affaire-là? Il dit, c'est le bon Dieu. Il dit, mais. Ah, mais là, il m'a mis en vibration en assis. Bon, là, j'ai dit, tu veux-tu que t'aides, que je te fasse white line un petit peu? Il dit, oui, parce qu'il m'aime bien, tu sais. J'ai pas de temps à perdre avec toi, j'ai dit, là. Écoute-moi bien. J'ai dit, la première chose que tu vas faire, là, j'ai dit, l'affaire que c'est le bon Dieu qui te parle, j'ai dit, oublie ça. J'ai dit, oublie ça, net. J'ai dit, il y a des entités de l'autre bord, pas de problème. Tu peux parler avec des entités, pas de problème. Ils ont des noms, ils ont des places, whatever. Mais l'affaire que c'est le bon Dieu qui te parle, là, j'ai dit, oublie ça. Là, j'ai dit, va dans ta tête, là. Puis j'ai dit, demande-leur si j'ai raison. Fait que, il est allé par en dedans, puis ça a répondu, ouais, il a raison. Fait que, parce que je voulais voir quelle sorte de contact qu'il y avait. Voir s'il était pour moi, puis s'obstiner avec moi, les autres, ces hosties-là. T'sais. Mais non, il a raison. OK. Fait que, là, j'ai dit, tu veux écrire un livre, là? J'ai dit, tu canalises. Fait que ça n'a pas d'importance que place tu commences dans ton livre. Mais j'ai dit, au lieu de te faire brosser à gauche et à droite, là, j'ai dit, dis-leur donc à ces hosties-là qui donnent tous les titres. Ils connaissent les titres des chapitres, là? J'ai dit qu'ils donnent le chapitre numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. Qui donne ça? J'ai dit, faut que tu es en ligne. J'ai dit, sans ça, ils vont te barouetter pendant 10 ans, eux autres, là. Ben, j'ai dit, fais-toi donner des chapitres. Puis en anglais, ben, j'appelais ça your comment j'appelais ça en anglais, donc? Je disais, your inner self. J'ai dit, parle-y à ton inner self, là, puis dis-y, tabarnak, que tu veux les chapitres right now. J'ai dit, demande un don, c'est ça, les chapitres. Fait qu'il va par en dedans, il dit, oui, il est sale. Bon, j'ai dit, si il est sale, qu'il y a des livres, les Christ de chapitre, j'ai dit, j'ai pas de temps à perdre, là, puis j'ai dit, ils savent que je cite, là. J'ai dit, demande un don s'ils me connaissent. Il dit oui. Demande un don s'ils m'aiment. Il dit oui. Puis je demande un don, j'ai dit, si on peut, là, moi, il dit oui. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il dit, tant c'est trop. Il dit, toujours la même Christ d'histoire. Autrement dit, je me fais pas chier par eux autres, moi. Fait que j'ai dit, là, tes chapitres, là, qui te donnent des Christ de chapitre? Là, j'ai dit, je suis fatigué d'aller de te parler, là, je m'en vais m'asseoir et manger mon donut. Pas mon donut, mon croissant. Fait que je suis allé m'asseoir, puis j'ai continué ma conversation avec la personne qui m'accompagnait. Mais Chris, ça l'a pris 10 minutes, il y avait tous les chapitres descendus sur sa page. Fait que j'ai dit, ça fait 2 ans que t'es gris, tu me rencontres dans 5 minutes, puis là, j'ai dit, combien c'est en un chapitre? Il dit, 29. Ah ben, j'ai dit, tabarnak, il va être gros ton livre. Fait que, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils viennent de te donner un chapitre-là, puis qu'ils te font aller à gauche puis à droite depuis 2 ans? Puis sais-tu qu'est-ce qu'il me dit? Puis c'est bon. Il dit qu'ils me disent que je commence à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Ah ben, j'ai dit, là, t'es sa bonne route. J'ai dit, laisse-toi pas brasser par ces hosties-là. Puis j'ai dit, imagine-toi quand tu parles avec eux autres, là, que tu parles comme si tu parlais à un être humain. Mais l'affaire du bon Dieu qui te parle, là, j'ai dit, oublie ça, j'ai dit, parle-moi même plus de ça, cette affaire-là. Fait que, il était content, il était à l'autre bord, puis, que j'ai fait son remède. Fait que j'ai dit, mais je te revois, là, peut-être dans 6 mois, là, j'ai dit, on va pouvoir regarder les chapitres que c'est que tu as écrit. Il dit, c'est ça, Bernard. Il dit, now I understand. Il dit, c'est ça. Va bien que ça. Bon, le gars, il est chanceux. Il rencontre un gars comme moi quand il prend un café. Pour l'aider. Mais il y en a combien de monde de même dans le monde? Des artistes, des écrivains, des architectes. Puis qui l'ont en connexion. Ils l'ont en connexion. Ça leur parle. Ils entendent. Ils l'ont la voix intérieure. Mais ils sont pas capables de... Ils ont une division dans l'écoute. Puis si t'as une division dans l'écoute, tu peux pas performer avec ces hosties-là. Parce qu'il y a une partie de toi qui est mentale, puis il y a une partie de toi qui est astrale. T'es toujours sa clôture. Tu peux pas performer parce que ta volonté n'est pas actualisée. C'est pour ça que c'est bien important pour les gens qui ont une certaine conscience, qui ont une voix intérieure, d'en arriver éventuellement à maîtriser cette voix intérieure-là. La maîtriser dans le sens de ne pas se faire rider comme le chien qui se fait rider par sa queue. Wag the dog. Mais pour ça, il faut connaître la fondation de la psychologie humaine, surtout la psychologie occulte de l'homme, et surtout les aspects astraux de la psychologie humaine. Puis c'est pour ça qu'il y a tellement d'artistes qui souffrent, puis de personnes qui souffrent, puis de personnes qui souffrent, puis des grands talents qui souffrent. Pourquoi est-ce que le monde souffre? Parce qu'ils ne sont pas capables d'accéder à leur créativité d'une manière intégrale. Ils sont toujours pognés en deux crises de feu. Ça ne délivre pas ces tabarnacles-là en haut. Ça ne délivre pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que le monde dit « Mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. » Je sais pas quoi faire de ma vie. C'est ta vie, Christ. T'es supposé de savoir quoi faire avec. Ton chat, il sait quoi faire avec sa vie. C'est de sortir et de manger un moineau dehors. Mais c'est un moineau devant lui, tabarnak. Il va sauter dessus. Il vient au monde après 3 mois puis il sait quoi faire avec sa crise de vie. Nous autres, on voit des moineaux puis on sait pas, on les mange-tu, on les mange-tu pas. On ne devrait pas manger des petits moineaux. Sont-tu beaux? T'sais. C'est nous autres qui se fait manger. Fait que l'homme ne sait pas quoi faire avec sa vie, ça n'a pas de crise d'allure, puis la raison que ça n'a pas d'allure, puis que ça ne marche pas, c'est parce que l'homme n'a pas d'écoute intérieure. Son écoute intérieure n'est pas développée. Il y a trop de réflexion, il y a trop dans sa conscience animale. Il y a trop d'ambivalence. Il n'est pas capable d'aller intérieurement se dire, ben donne-moi les crises de chapitre, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il l'a fait parce que j'étais là. Si j'avais pas été là, il aurait écrit un autre 4 ans. De la poésie puis de la prose mélangée. Tu C'est quoi le problème de l'homme, surtout dans notre société? C'est qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'est pas aligné, il n'est pas aligné. Il n'est pas capable de s'aligner. Puis la raison qu'il n'est pas capable de s'aligner, c'est parce que ça, il y a trop de division dans l'écoute. Ça vient d'où le manque de division dans l'écoute? Ça vient de notre éducation. On a été mal éduqués. Qu'on soit français, allemand, chinois, russe, japonais, italien, I don't give a fuck, on a été mal éduqués. On a été éduqués par des systèmes psychologiques qui ont trempé dans des théologies pendant des siècles. On a été éduqués par des systèmes psychologiques qui ont trempé dans des philosophies évolutives pendant des siècles. On n'a jamais trempé, on n'a jamais été connecté à des psychologies créatives, normatives, qui permettent à l'être humain, en tant qu'ego, de contrôler ce qui se passe en dedans de sa voix derrière. It's always wag the dog. On n'a jamais été capable de dire, mais donne-moi les crises de chapitre là, 1 à 29. Donc, on n'a pas été formé par nos cultures, par nos civilisations. Parce que nos cultures, nos civilisations font partie d'un mouvement collectif et non pas d'un mouvement individuel. Et je comprends ça très bien. Donc, quelle place et où l'homme va découvrir une psychologie qui convient à lui, qui est faite de toutes pièces pour lui comme un sou? Ça va être dans la psychologie évolutionnaire. Pas Freud, puis Jung, puis toute cette bullshit-là. C'est bon pour la conscience collective, ça. Pas pour la conscience individuelle. Puis on a été connectés à la conscience collective depuis des siècles. On a pensé avec les pensées des autres depuis des siècles. On pense pas avec la connexion interne qu'on a. Fait que c'est pour ça que on écrit des livres, on n'est pas capable de trouver des chapitres. On se marie, puis on a des mariages qui font pas notre affaire. On a des jobs qui font pas notre affaire. Fait qu'on a toujours quelque chose qui fait pas notre affaire. Fait que tu vis 50, 60, 70 ans comme ça, par rapport à des choses ou des événements qui font pas ton affaire. Pourquoi? Parce que l'écoute intérieure n'est pas définie. Fait que quand je vous dis que les déceptions que vous vivez dans vos vies sont nécessaires pour développer un écoute intérieure objectif, regardez-les bien. Parce qu'à ce moment-là, bien, vos déceptions, quand vous allez les vivre, au lieu de les vivre comme des échecs psychologiques au niveau de l'ego, vous allez les vivre comme des obstacles temporaires qui vont permettre à l'ego ou au mental chez l'homme de développer une autre fréquence qui va vous permettre ultimement d'avoir une écoute intérieure qui sera plus divisée. Parce que c'est pas normal que l'homme soit pas intelligent. Puis regardez bien ce que je veux dire, là, quand je vous dis intelligent. Vous autres, vous pouvez peut-être dire, bon, ben moi, je suis intelligent, je suis intelligente, je comprends tout ça, moi, ce qu'il dit Bernard de Montréal. Si vous compreniez ce que je dis, moi, vos vies changeraient de même demain matin. Ça, c'est sûr. Fait que si vos vies changent pas de même demain matin, c'est parce que vous comprenez pas ce que je dis. Ça va prendre des années. Petit à petit, vous allez comprendre un petit peu plus, puis éventuellement, mais l'écoute intérieure, elle va être moins divisée. Fait que l'homme, il comprend pas, l'homme comprend pas la nature occulte de son mental. Il comprend la nature psychologique de son moi, mais il comprend pas la nature occulte de son mental. Puis il y a une grosse différence entre les deux. Que vous compreniez la nature psychologique de votre moi, c'est une chose, parce que ça fait partie de votre expérience psychologique. Mais que vous compreniez la nature occulte de votre mental, ça veut dire que vous êtes capable, en tant qu'être, de voir la manipulation chez vous. Quand tu es capable de voir la manipulation chez vous, tu es capable de voir qu'en tant qu'écrivain, comme dans le cas de mon chum, que tu écris depuis 2 ans, de temps en temps c'est de la prose, puis de temps en temps c'est de la poésie, puis tu dis un jour, c'est assez là, Christ, là, descendez-les, les chapitres. Là. Mais il n'y en a pas. Fait qu'il est encore dans la psychologie de l'ego, il n'est pas dans la nature occulte de son mental, le gars. Putain, il a une connexion. C'est pas comme s'il n'en a pas, là. Il y en a une. Fait que comment ça se fait qu'il y a du monde qui ont une connexion, dans le sens qu'ils peuvent dire, ouais, je viens de la voix intérieure, moi ça parle dans ma tête, brrr. Puis comment ça se fait qu'il y a du monde qui n'ont pas ça, puis qui fonctionne à plein rendement. Tu vas voir un CEO des compagnies, là, des chefs de corporation, là, ne va pas leur demander s'ils écoutent la voix, s'ils ont des voix intérieures. Ça n'existe pas pour eux autres. Eux autres, ils ont l'impression que ça part aux autres, puis ils fonctionnent, les gars. Fait, comment ça se fait que des gens inconscients fonctionnent, puis des gens qui ont une certaine sensibilité, puis qui ont une voix intérieure, fonctionnent pas? C'est parce que il y a trop de division dans l'écoute. Parce que le gars, lui, qui travaille dans une compagnie, qui est inconscient, il n'y a pas de division. Écoute, il pense que c'est lui qui est bon. Donc, il n'y a pas de division, puis il fonctionne à l'os. S'il est dans l'idée, le gars, de devenir millionnaire, s'il dit, moi, il n'y a rien qu'une chose qui m'intéresse dans la vie, mes parents étaient pauvres tabarnak, mais moi, je vais casser sa pauvreté, je vais devenir un Christ de millionnaire, puis il commence à 17, 18 ans, 19 ans, s'en va à l'université, puis comment est-ce que je peux devenir millionnaire? Ah, il va devenir un dentiste, Christ. Il s'en va dans la dentisterie, puis il devient millionnaire. Parce qu'il n'y en a pas de division dans l'écoute. Fait que la question qui vient, c'est-tu mieux d'être inconscient puis pas avoir de division dans l'écoute? Puis faire ce que tu veux, ou avoir l'impression que tu fais ce que tu veux, ou d'avoir une certaine sensibilité là, du bon monde, puis d'avoir de la division dans l'écoute, puis de jamais prendre à ton but. Mais même, je vais vous la donner ma réponse. T'es mieux dans son cas, lui. T'es mieux dans son cas, lui. Parce que ce que tu sais pas, ça te fait pas mal. Mais ce que tu penses que tu sais, ça te met dans la merde. Parce qu'il y a une deux possibilités. Ce que tu sais pas, ça te fait pas mal. Ou ce que tu penses que tu sais, ça te met dans la merde. Parce que ton écoute est pas totale. Il y a de la division dans l'écoute. Quand il y a la division dans l'écoute, tu peux pas te rendre au deuxième but. Fait que j'aime mieux le gars, moi, qui est bien inconscient, bien terre-à-terre, il aime ça, ça vient en fin de semaine, il va jouer au hockey, puis quand il arrive lundi, sa job, il fonctionne, puis en tant que petit gars, il voulait devenir millionnaire, puis à 30 ans, il est rendu millionnaire. Peut-être qu'il va avoir le cancer, mais c'est pas grave, parce que même ça, ça le dérange pas. Il va dire, j'aurais vécu. Parce que les illusions, il y en a des illusions concernant de la conscience, puis de la spiritualité, puis de la sensibilité, puis de la voix intérieure. Il y en a de ça, de l'illusion. Puis il y en a bien plus que vous pensez. La terre en est pleine. Les malades mentaux en sont pleins. Les hôpitaux psychiatriques en sont pleins. Fait qu'il y en a de l'illusion, là. Fait que j'aime mieux le gars, moi, qui travaille, qui aime bien s'habiller, bien inconscient. Il connaît pas ça, les plans. Il va à l'église tous les dimanches, puis Chris, puis... Fait que si on est pour aller à une étape plus loin, où là, tu parles d'un être qui a une certaine conscience, qui a une certaine conscience de la voix intérieure, et ainsi de suite, c'est qui doit être changé, là. Ce qui doit être changé, c'est que faut qu'il unifie cette voix intérieure-là. Faut qu'elle arrête d'être divisée. Fait que là, je vais vous en donner des paramètres qui créent la division. La division de la voix intérieure est toujours basée sur le fait que l'homme n'a pas de volonté. Le manque de volonté chez l'âme, c'est l'imprimatur d'une conscience non satisfaisante. Je demande pas que l'homme ait de la grosse volonté là, industrielle, là. La grosse volonté des initiés, là. Mais que l'homme ait une certaine volonté. Volonté de quoi? Volonté de changer sa vie radicalement. Si vous n'avez pas la volonté de changer votre vie radicalement, vous ne pourrez pas aller dans vos réserves. Vous n'aurez pas la mesure de vos réserves. Vous ne pourrez jamais tester jusqu'à quel point vous pouvez la mettre votre main dans le sac. Vous ne pourrez jamais avoir la mesure jusqu'à quel point vous êtes capable de vous rendre libre de votre incompétence psychologique. La volonté, c'est une énergie qui ne doit dépendre que de l'âme, que de vous-même. Pas de ces crises de force occulte-là, de merde. Comme l'autre qui se fait renier avec son livre là, pendant 2-3 ans. Là. Fait que quand il a demandé, donnez-moi les crises de chapitre, c'est là qu'il a manifesté une certaine volonté, puis les chapitres se sont écrits. Prouf. Mais la volonté, même la volonté motrice, la volonté vivante, on peut appeler ça la volonté vivante, pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas chez l'homme? Ils disent parce que l'homme dans la vie, dans ses amours, dans la job, l'homme dans la vie a peur de combattre sa condition avec toutes ses forces. La petite fille là, qui est en amour, là, qui paye son chum, là, son Italien, là, puis elle veut se faire sauter parce qu'elle a perdu son chum, là, elle n'est pas capable, elle n'a pas la volonté de combattre la condition de toutes ses forces. Le gars qui perd sa job d'un petit village, puis qui a 5 enfants à faire vivre, il n'a pas la volonté pour dire, bon, ben, je vais aller m'en chercher une à New York, une crise de job. Fait que sa conscience animale veut faire dire, bon, ben, il n'y a plus de job, c'est de valeur, la compagnie a fermé ses portes dans notre village. Là, il va attendre 5 ans, là. Il va se faire ramasser par le gouvernement, là, les aides sociales, whatever.